On va débuter avec une première pièce qui a pour titre Blues for My Babe. C'est sur le dernier disque qu'on a fait. Merci beaucoup. Thank you. Pièce qui est sur notre disque. Il s'appelle Nothing to Lose. C'est le titre de l'album aussi. Donc, Nothing to Lose. Bon, profite, les gars, on a commencé à jouer la semaine passée, nous autres. La semaine passée, c'est comme ça. Thank you. Thank you.